appena son Dica. Selecta Marwan Philosophic sound, ok, ok. Ici c'est les drills dangerous. Quand on kick c'est la pousse. Allez pousse-toi, fais place à MF Carapunasson. Ça décoiffe, tu connais, on a soif de monnaie. Allez cours à la tirette, prends tout et direct. Ici c'est street dangerous. Quand on kick c'est la pousse. MFK, non, pas un mec qui paratine à fond. On est plein, ça fait mal, on a faim, c'est normal. On veut la gloire et le titre, à boire et du chiffre. On veut tout mais on a rien, dans la merde jusqu'au bout. Les Schmitt c'est pour rien. Veulent nous serrer le cou, frangin. Au bout du compte, c'est toujours le même calcul. J'ai affaire sans les pompes, sur le dos y'a pas de bulle. L'humeur bascule vers le mauvais penchant. Tu meurs ou t'assumes, ça c'est le côté tranchant de la thèse. Son train de vie roule à toute vitesse. Mais est-ce que la VS est Al quand ces chiens nous restent? Y'a pas de héros dans nos bandes dessinées. Que des cicatrices crades et des gangs décimés. Ciblés par le malsain, on aiguise nos larcins. On s'équipe des bites même de la zipette aux martiens. Qu'est-ce que tu veux? C'est la débrouille entre les douilles, les tonneurs. Les voleurs de fouilles, les embrouilles pour un doigt d'honneur. Ils veulent notre morale à zéro, ces blaireaux croient nous la faire. Mais le risque et le vice, mec, ça c'est nos affaires. On fait ce qu'on a à faire, la vengeance a pas pris. Mais y'a la queue à la caisse et ça respire à la zombie. Déporté pour porter le fardeau. On vit dans la jungle, on aime les bêtes comme Brigitte Bardot. Sache qu'il n'y a pas de cadeau entre panthères. On tire, on t'enterre, on a les rats solides. On veut des rats et bolides. Ça prend au beat, ça fout en transfert. Mon équipe veut la gloire, le titre et aucun transfert. Ici c'est les drills dangerous. Quand on kick c'est la brousse. Mon bloc c'est des cas, y'a pas d'antisèche dans la trousse. Ça décoiffe, tu connais, on a soif de monnaie. Nous on est trop réalistes pour que nos projets se réalisent. Ici c'est street dangerous. Quand on kick c'est la brousse. Viens pas te frotter à notre rap, si devant le mic t'as la frousse. T'es plein, ça fait mal, on a faim, c'est normal. Tu veux des phases, allez demande, nous on va te mettre à la demande. Ouais on veut tout, surtout montrer qu'on va tout démonter. Rapper dans le rap sans point de côté, même s'il y a que démonter. Street dangereux, c'est nos cases, mec, on va tout griller. Je mets tapis comme au casse, même si ça casse, c'est à mon tour de briller. Trop laissé dans l'ombre, pendant que d'autres y ont laissé leur nom. Dans le rap j'ai rien à perdre, moi je viens baiser leur monde. Je suis comme tout le monde, moi, je suis pas né en star. Je reste vrai et authentique, c'est indépendant style. C'est pour les potes de chez moi qui traînent sur le schéma. Une vie sans schéma, on s'en fout du moment que ça chemarre. Boycotte le taf pour bucrave du bête. Quand c'est pas de la cesse, ça fume des spliffs et boit du sky. Quand c'est pas de la cesse, forgé par ce qu'on vit, c'est rare qu'on se confie. Quand y'a conflit, ça fait des plans comme Scofield. Fume du Scofield pour évacuer le stress. Pas de strass, ni de paillettes, un cauchemar où t'aimerais pas être. C'est les drills dangerous. Quand on kick, c'est la brousse. On compare quand ça se corse, nous ce qu'on vit, c'est ta bourse. Ça décoiffe, tu connais, on a soif de monnaie. T'inquiète pas, c'est honnête, la progression se remet. Ici c'est street dangerous. Quand on kick, c'est la brousse. Faut pas voir de la peau de l'ours avec les chemises de trousse. T'es plein, ça fait mal, on a faim, c'est normal. Mais sans se plaindre, c'est formel et c'est le joint qui me formale. Si tu tapes vers chez nous, m'amène, faut mettre le premier coup. Dans le rap, c'est la même, je m'amène comme une traînée poudre. Je découpe pour essayer de prendre ma place. Souvent j'ai pris des coups qui sont soignés à l'homme sa place. Et là j'ai fait des chutes, mais je m'en suis toujours relevé. Élevé parmi des putes qu'on pensait le but de voir crever. Rester sur le bord de la route, égaré comme un clébard. Des barres, j'ai des clés de bras, que des tarés qui tapent des barres. J'ai mon caractère, mon personnage reste pas à terre. Debout les poings levés, ma rage n'arrive pas à se taire. Terme, de plus j'alterne, l'écriture et l'usine. On pousse tous les haltères, mais l'écriture, ouais j'hallucine. Je fais un signe à la France, reste digne, t'as la frousse. Les gamins ont des trans et quelques lignes dans la trousse. C'est street dangerous, donc fâché que je rends le son. Enlève-moi le rap, je lève le doigt, mais je lâcherai pas la rançon. Ici c'est street dangerous, quand on kick c'est la brousse. Allez pousse-toi, fais place à MF Carapunasson. Ça décoiffe, tu connais, on a soif de monnaie. Allez cours à la tirette, prends tout et direct. Ici c'est street dangerous, quand on kick c'est la brousse. MFK, non, pas un mec qui paratine à fond. On est plein, ça fait mal, on a faim, c'est normal. On veut la gloire et le titre, à boire et du chien.